L'Évangile de Jean, chapitre 1. Avant que Dieu crée le monde, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et cette vie donnait la lumière aux hommes. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas reçue. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme témoin pour parler de la lumière. Il vint pour que tous croient grâce à ce qu'il disait. Il n'était pas lui-même la lumière, il était le témoin qui vient pour parler de la lumière. Cette lumière était la seule véritable, celle qui vient dans le monde et qui brille sur tous les hommes. La parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par elle, et pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas reçue. Cependant, quelques-uns l'ont reçue, et ont cru en elle. Elle leur a donné alors la possibilité de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu selon la nature humaine, comme on devient enfant d'un père terrestre. C'est Dieu qui a été leur père. La parole est devenue un être humain et a vécu parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit de son Père. Jean a parlé de lui. Il s'est écrié, « C'est de lui que j'ai parlé en disant, « Il vient après moi, mais il est plus grand que moi, car il existait déjà avant moi. » Nous avons tous reçu notre part de ses richesses. Nous avons reçu une bénédiction après l'autre. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu et demeure auprès du Père, l'a fait connaître. Voici ce que Jean déclara lorsque les Juifs de Jérusalem envoyèrent des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre. Mais il affirma très clairement devant tous, « Je ne suis pas le Messie. » Ils lui demandèrent, « Qui es-tu donc ? Es-tu Élie ?» Et Jean répondit, « Non, je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète ?»« Non, répondit Jean. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu donc ? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? » Jean répondit, « Je suis la voix d'un homme qui crie dans le désert. Préparez un chemin bien droit pour le Seigneur. » C'est ce qu'avait dit le prophète Ésaïe. Parmi les messagers envoyés vers Jean, il y avait des pharisiens qui lui demandèrent, « Si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi donc baptises-tu ? » Moi, leur répondit Jean, « Je vous baptise avec de l'eau. Mais il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais je ne suis pas même assez bon pour délier la courroie de ses sandales. » Tout cela se passait à Béthanie, de l'autre côté de la rivière du Jourdain, là où Jean baptisait. Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui, et il déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai parlé en disant, « Un homme vient après moi, mais il est plus grand que moi, car il existait déjà avant moi. » Je ne savais pas qui ce devait être, mais je suis venu baptiser avec de l'eau afin de le faire connaître au peuple d'Israël. Jean déclara encore, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne savais pas encore qui il était, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser avec de l'eau m'a dit, « Tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur un homme. C'est lui qui doit baptiser avec le Saint-Esprit. » « J'ai vu cela, » dit Jean. Et je déclare qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était de nouveau là avec deux de ses disciples, quand il vit Jésus qui passait. « Voici l'agneau de Dieu, » dit-il. Les deux disciples de Jean entendirent ce qu'il disait et suivirent Jésus. Jésus se retourna, Il vit qu'ils le suivaient et leur demanda, « Que cherchez-vous ? » Ils lui dirent, « Où demeures-tu, Rabbi ?» Ce mot signifie « maître ». « Venez, leur répondit-il, et vous verrez. » Ils allèrent donc et virent où il demeurait, et ils passèrent le reste de ce jour avec lui. Il était alors environ 4 heures de l'après-midi. L'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et avait suivi Jésus était André, le frère de Simon-Pierre. André rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie « Christ ». Et il conduisit Simon auprès de Jésus. Jésus le regarda et déclara, « Tu es Simon, le fils de Jean. Tu porteras le nom de Céphas. » Ce nom signifie « Pierre ». Le lendemain, Jésus décida de partir pour la région de Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, la ville où vivaient André et Pierre. Ensuite, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans le livre de la loi et dont les prophètes aussi ont parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. » « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» lui dit Nathanaël. Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Quand Jésus vit Nathanaël venir à lui, il dit à son sujet, « Voici un véritable Israélite, il n'y a rien de faux en lui. » « Comment me connais-tu ? » lui demanda Nathanaël. Jésus répondit, « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier, avant que Philippe t'appelle. » « Maître, lui dit alors Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répliqua, « Tu crois seulement parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier? Tu verras de bien plus grandes choses que celles-ci. » Et il ajouta, « Je vous le déclare, en vérité vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. »